Assurez-vous, c'est pas tout ça. C'est juste une page ce matin. Ouais. Vous allez avoir aussi un texte entre les mains. Je me garde des aides-mémoires plus qu'autre chose. En fait, vous devez juste prier pour vous autres, pour m'endurer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça, c'est pénible. Juste avant de commencer, pour vous dire que des fois, préparer un enseignement, c'est pas toujours facile. Hier, moi, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Ma mère va de moins en moins bien. Alors, je suis convaincu que si Dieu ne fait pas un miracle, et là, je suis en train de lire Ézéchias, qui a reçu 14-15 ans supplémentaires parce qu'il a pleuré devant l'Éternel, puis Dieu a envoyé le prophète Ésaïe, il a ajouté 15 ans à sa vie. Ah, Seigneur, 2-3 ans, on le prendrait bien, de plus. Ça fait qu'on paiera tout à l'heure, pour, si vous voulez, pour ma mère. Mais c'est à travers ça qu'on doit... Et je voudrais vous partager un sentiment qu'on a vécu, moi et Landry, hier, à travers ces nouvelles-là. Landry et moi, ça fait 2 mois qu'on travaille sur Ésaïe. Ça fait que quand on est ensemble, on est à haute voltige. Les gens nous entendaient discuter ensemble, ils ne comprendraient rien parce qu'on fait référence à des choses qu'on a regardées souvent. Et là, on fait des liens, puis ça nous excite. Et je ne pourrais pas vous transmettre cette excitation-là que Dieu nous a donnée à moi, puis Landry, à travers le livre d'Ésaïe. Ce n'est qu'un commencement. Vous allez peut-être le vivre au cours du temps qu'on va passer ensemble à étudier ce livre-là. Puis ce matin, bien, j'espère on va avoir quelque chose qui devrait vous exciter, un petit peu, et que j'espère va être un feu qui va se communiquer à tout le monde ici, de persévérer dans la lecture et la méditation de ce livre-là. Et plus j'avance avec Landry, mais pas seulement avec Landry, plus on avance avec Dieu qui nous révèle des choses à travers le livre, plus je réalise à quel point ce prophète-là est important pour nous aujourd'hui, face à ce qui s'en vient. Il y a déjà des grandes réalisations qui sont attachées à la parole que Dieu a donnée à Ésaïe dans le passé. Mais pour ce qui s'en vient, il y a vraiment quelque chose qui va nous aider à supporter probablement ce qui s'en vient. Fait que la semaine passée, on a vu une longue introduction du contexte prophétique, peut-être un peu trop longue. Quand on réfléchit après, on dit « on aurait dû en faire moins, on aurait dû en mettre moins. » Tu aurais dû attendre avant de distribuer ça. Attends, c'est pas prêt tout de suite, ça va les distraire. Jean-Claude, garde ça sur toi. Attendez. C'est parce qu'on ne s'est pas communiqué. Je ne voulais pas qu'on distribue ça tout de suite. Je ne veux pas que vous soyez distrait par ça, fait que mettez-le en dessous de vos fesses en attendant. Puis après, je vais vous le dire quand ça va être le temps. OK? Fait que je compte sur votre obéissance. Fait qu'on a vu une longue introduction du contexte prophétique dans l'Ancien Testament. On a vu le rôle des prophètes. On a vu que les prophètes pouvaient parler de façon directe en prose ou de façon indirecte avec du langage poétique. Particulièrement, le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de langage poétique. Ou de langage imagé ou de langage métaphorique. Utilisez le terme que vous voulez, là, celui que vous comprenez, mais avec des images. Je vous ai dit la semaine passée que le choix du livre d'Ésaïe, c'est une décision des anciens qui a eu lieu quelque part au mois de novembre. On arrivait à la fin de Matthieu pour nous, puis on disait que ça va être quoi le prochain livre. Et quand on a eu choisi ça, j'ai dit aux anciens, « Youh, ça attaque à quelque chose de gros, ça me faisait peur. » Plus j'avance dedans, moins ça me fait peur, mais c'est un gros morceau. Donc, ça va demander de votre part une lecture du livre d'Ésaïe, et pas seulement qu'une lecture. Attendez-vous pas à chaque dimanche d'avoir toujours la clé qui va vous permettre de suivre Ésaïe. C'est vraiment votre méditation personnelle. Et ma prière, c'est qu'on arrive ensemble à peu près aux mêmes conclusions. Non, sérieux, c'est faisable. C'est l'Esprit de Dieu qui guide. Moi, je suis juste un outil, un serviteur parmi tant d'autres. Et Landry fait la même chose. Et pour arriver à une unité d'esprit à travers ça et vraiment saisir le message que Dieu a pour nous aujourd'hui à travers ce livre. Donc, Vous n'avez pas le choix, vous allez devoir dépenser de la sueur de cerveau. C'est la seule chose. Je me sens un peu comme Churchill qui a dit, la seule chose que je vous promets, c'est du sang, puis de l'épreuve, puis de la, pour, de la mort pour vaincre l'ennemi. Fait qu'ici, c'est de la sueur de cerveau que je vous promets. Mais plus que ça, on va être béni à travers ça. Ce matin seulement, on va avoir juste trois points. Deux qui nous permettent de saisir le dernier point davantage, j'espère, mais qui n'est qu'une introduction pour vous. On va regarder tout d'abord le contexte historique d'Ésaïe. C'est-à-dire, le livre lui-même, quand est-ce que Dieu l'a donné? Là, je vais attendre que Landry mette la bonne acétate. Ésaïe, ça s'est produit durant la vie de quatre rois en Juda. Et les rois en question, c'est Ozias, Jotham, Achaz, Ézéchias. Ce sont les seuls rois mentionnés, pas les seuls rois mentionnés, mais ce sont les rois de Juda dans lesquels Ésaïe, fils d'Amo, opère. C'est dans la durée de ces quatre rois-là. Allez, grossis encore, grossis. Et voilà, déplace. Non, pas dans ce sens-là. OK, reste ça là pour tout de suite. Voyez-vous mon petit point rouge, c'est bien. Pas de micro. Ésaïe 6:1. OK? À la mort du roi Ozias, c'est dit. Si vous regardez dans vos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles à Ésaïe, vous pourrez vérifier certains versets. Là. L'année de la mort du roi Ozias. En passant, vous allez avoir, on va vous distribuer un commentaire avec les commentaires de John MacArthur, là, pour ceux qui vont aller plus loin. MacArthur suit la datation qui est marquée dans cette chronologie-là, pour la période d'Ésaïe, en tout cas. Fait que ceux qui ont des bibles avec commentaires MacArthur, vous avez des dates souvent, là, vous regarderez, ce sont les dates qui sont là. OK? Ici, vous avez les durées de règne. Ozias a régné 52 ans, Jotham 25 ans, 16 ans. 29 ans. Pourquoi il y a des crochets comme ça? Il y a eu des co-régences, deux rois qui ont régné en même temps, le père et le fils. Ozias, vous vous rappelez, la dernière partie de sa vie, il est lépreux. Fait qu'on pense que Jotham a commencé à régner plus tôt. Maintenant, ça n'explique pas les différences. Comme Achaz, ici, c'est en pointillé. Il y a des différences. C'est pas facile, les chronologies bibliques. À un moment donné, on a de l'imprécision avec certaines affaires. Oubliez la précision des dates. L'important, c'est de voir que c'est durant ces règnes-là que ça s'est produit. L'autre date importante, qu'on va regarder un peu ce matin, c'est Ésaïe 7:1. Si vous regardez avec moi, là, rapidement. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias. Vous les voyez ici, là, Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias. D'abord? Et là, Ésaïe va dire en 7:8, au verset 8, « Car Damas est la tête de la Syrie, et Rétine est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. » Là, ça continue. C'est une prophétie précise. Encore 65 ans, il y a un accomplissement, on voit dans Deux Rois 17-24, puis Esdras 4-2 nous donne la précision quand est-ce que ça s'est vraiment accompli. La prophétie dit, encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus une nation. J'ai toujours cru, avant que je fasse cette étude-là, qu'à partir du moment où le roi d'Assyrie a attaqué Samarie, il l'a prise, il a déporté les gens, que la nation va cesser véritablement à cet endroit-là. Ésaïe, c'est pas ça qu'il dit ici. C'est arrivé 65 ans plus tard. C'est arrivé du temps des Arardons, qui a pris d'autres populations, qui les a emmenés à Samarie, ce qui est devenu aujourd'hui, ben, à l'époque de Jésus, les Samaritains. Et que ce n'est pas des Juifs qui a pris là. Donc, qu'est-ce que ça fait quand vous prenez un pays, vous l'attaquez, vous laissez un grappillage dans le pays, mais vous prenez une autre nation puis vous l'emmenez là? Qu'est-ce que vous faites? Vous déstructurez complètement la nation. Et c'est ce qui s'est passé avec les royaumes du Nord, les dix tribus. Montrer à quel point une prophétie peut être précise dans le livre d'Ésaïe. Je fais juste ça, je n'en irai pas plus loin là-dessus. Ça va? Maintenant, on va continuer le... Donc, à travers le livre d'Ésaïe, là, ils ne sont pas tous marqués sur cette chose-là. Ici, vous avez Ésaïe 37-38, où... il faut que je le relise. Je n'ai pas encore appris le livre d'Ésaïe par cœur. Ça, c'est la prophétie qu'Ésaïe fait au moment où Rabshaké arrive à Jérusalem avec une armée de 185 000 soldats. On le sait parce que l'ange éternel est passé puis il l'a tout détruit. Et il vient d'abord, puis commence à insulter Dieu, Ézéchias, puis il dit « Confie-toi pas en l'Éternel, il n'y a aucun des dieux des nations, des autres nations qui vont me résister. » Fait qu'il insulte Dieu. Et il va retourner vers le roi qui est Abouakis, puis le roi va envoyer un autre messager avec encore là des insultes. Et là, Ésaïe va prononcer cette prophétie-là. Et dans cette prophétie-là, il va dire à propos du roi Sanchérib, le roi d'Assyrie, il leva son camp, partit, s'en retourna et resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nishrok, son dieu, Adramalek et Charester, excusez, les noms ne sont pas faciles dans Ésaïe, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Ézar Ardon, un autre de ses fils, régna à sa place. Ézar Ardon, vous le voyez ici, là. Donc, Ésaïe a vécu au moins jusqu'à l'arrivée de ce roi-là. C'est pour ça que vous avez des pointillés au bout de les derniers temps où Ésaïe a prophétisé. Et ce qui fait dire qu'Ésaïe a connu le temps où Manassé régnait. Et ça, la tradition juive le confirme. Le dernier verset du chapitre 37. Je vous donne des hints historiques ici, mais on va regarder un petit peu plus le plan d'Ésaïe, là. C'est la feuille que vous allez recevoir, vous avez reçue. Ça va? Le point ici, c'est que la vie d'Ésaïe a duré environ 80 ans au minimum. Parce qu'avant qu'il commence à prophétiser, il devait avoir au moins 20 ans, on pense. Puis Dieu lui a fait traverser les règnes des rois. Et il a connu le temps où le roi d'Assyrie a été remplacé par Ézar Ardon. Et c'est le même Ézar Ardon qui va déporter des nations, qui va les amener à Samarie. Et Juda ne sera pas détruit par la Syrie à cause du miracle que Dieu va faire du temps d'Ézéchias. Mais 100 ans plus tard, c'est Babylone qui va arriver. Et Ésaïe le prophétise. On ne regarde pas ça matin, on va le voir à travers les futurs. Ça va pour tout de suite, je ne vous ai pas trop perdu. Je vais juste vous montrer qu'Ésaïe est historique. Maintenant, on va regarder la feuille que je vous ai distribuée. Elle va être distribuée. Si on ne les brise pas, un par famille, il va en rester, vous prendrez les restes après. Pendant qu'on vous distribue ça, là, attendez avant de le regarder, on va le regarder ensemble. Ah, il y a un verre d'eau aussi, ça va faire du bien. OK. C'est là tout de suite, là. Les gens sont trop distraits encore. Avant de regarder le tableau, puis de vous expliquer un peu comment on peut opérer à partir de ce tableau-là, on va regarder... Vous avez déjà dit qu'un des noms que Dieu utilise dans Ésaïe, qui revient très souvent, 66 fois, c'est-à-dire 61 fois dans 66 chapitres, c'est le nom éternel des armées. Regardez dans les autres prophètes qui ont précédé, ou dans les rois, le nombre d'occurrents, très peu. Jérémie, autre prophète qui est dans un temps très difficile, où c'est Judas qui va être déporté, l'Éternel des armées revient 76 fois dans 52 chapitres. Après ça, les prophètes, les petits prophètes qui viennent après, presque rien. Sauf Agée, Zacharie et Malachie. C'est des prophètes qui prophétisent beaucoup du temps de la fin. Et... Ah, OK, si tu veux. Bonne idée. Bonne idée. On va être connecté. Donc, il y a quelque chose ici. L'Éternel des armées... Oui, c'est ça, il faudrait penser à le faire. Pas habitué, hein, je ne suis pas une vedette, moi. Je vais parler de face. Je le connais par cœur, le tableau. L'Éternel des armées, là, c'est une expression guerrière. On pense tout le temps à Dieu, l'Éternel des armées dans le ciel, il contrôle les anges. Non, c'est pas juste les anges, là. C'est les armées humaines, les nations humaines. Et Dieu fait ce qu'il veut avec, indépendamment de ce que les hommes planifient. Et cette expression-là, dans Ésaïe, est caractéristique. Pourquoi? Parce que Dieu envoie un prophète dans un temps où la nation doit être punie par les ennemis de la nation, par les ennemis de Dieu. Imaginez-vous comment Dieu va tolérer que son nom soit blasphémé. Ça va? Il y a deux micros en même temps. Dieu va tolérer que son nom soit blasphémé parce qu'il va permettre aux ennemis d'Israël de vaincre Israël. Et quel est le Dieu d'Israël? L'Éternel. Et Dieu va tolérer que son nom soit blasphémé parmi les peuples à cause des péchés d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attire des nations. Il le dit dans Ésaïe, vous allez voir, on ne le verra pas ce matin, mais il y a des passages qui disent, regarde, Dieu parle au roi d'Assyrie, il dit, ne sais-tu pas que j'ai préparé ces choses longtemps d'avance? Le roi d'Assyrie se vante de ses capacités. Le roi d'Assyrie ou les Assyriens se vantent de leur capacité humaine d'avoir vaincu toutes les nations. Mais Dieu lui dit, regarde, tu n'as rien fait. C'est moi qui t'ai appelé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que tu punisses Israël. La punition d'Israël est facile, la destruction totale des distributs du Nord. Judas va avoir une prolongation de vie, hein, comme la cabane dans la vigne, comme la parabole du figuier que Jésus nous a raconté. Un plan que Dieu chérissait, c'est Judas. Il va une prolongation de vie, il va avoir un retour qui va durer à peu près 5 siècles pour permettre l'arrivée du Messie et redestruction de Judas et de Jérusalem une deuxième fois après vers 70 après Jésus-Christ. C'est intéressant là, qu'on considère toutes ces dates-là. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Israël a un roi en Israël qui règne. Absolument pas. La majorité d'Israël est encore très loin. On n'embarquera pas tout de suite dans ce sujet-là, mais les prophéties d'Ésaïe, il y en a beaucoup qui concernent la terre de la fin. Donc, quand Dieu se présente sous forme de l'Éternel des armées, ce n'est pas le seul nom de Dieu dans Ésaïe, mais c'est caractéristique que dans ce livre-là, l'Éternel des armées est utilisé. Donc, Dieu ici là, s'adresse à Israël d'une manière très sérieuse. Et pas seulement qu'à Israël, aux nations aussi. On va regarder le papier que je vous ai distribué maintenant. C'est un plan chronologique du livre. Si je devais refaire peut-être la distribution des enseignants, j'aurais peut-être axé ça sur le plan chronologique, mais évidemment avec l'assentiment de tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que l'appel d'Ésaïe est placé au chapitre 6, l'année de la mort du roi Oséas. Et on a comme une préface ou une conclusion du livre qui est faite en disant « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda, Jérusalem, au temps d'Ozias, Jotham, Akas et Ézéchias, roi de Juda. » Ça, c'est le verset 1-1. Pour écrire ça, il fallait que ces quatre rois-là aient régné. Donc, ça ne peut pas avoir été écrit juste du temps d'Ozias. Et les 5 premiers chapitres parlent exclusivement de ce qui arrive à Juda. Israël n'est à peu près pas mentionné là-dedans. En fait, Le processus d'écriture, ici évidemment je suis en supposition, ce n'est pas une affirmation absolue, commence dans le fond au chapitre 6 avec l'appel du prophète. Après ça, ben, vous pouvez aller au chapitre 14. Le temps d'Akaz, c'est du chapitre 7 au chapitre 14. Ça, c'est l'item 3 là, sous vos feuilles. Je ne passe pas à travers chacun des items, là. On va revenir là-dessus dans le temps. L'année de la mort du roi Akaz, il y a une série de prophéties là, sur les cinq chapitres, 14 à 19, avec des oracles. Là. Après ça, le prochain point qui est daté dans le livre d'Ésaïe, c'est l'année où Tartan est envoyé par Sargon, au chapitre 20, verset 1. Et ça va durer jusqu'au chapitre 35. Quand on arrive au chapitre 35, c'est-à-dire chapitre 36, ça va durer jusqu'au chapitre 36. 35-10, c'est le dernier verset. On commence avec la 14e année du roi Ézéchias. Ésaïe date constamment le moment où les prophéties ont été données. Et là, on a ce que la plupart des commentateurs ont appelé l'épisode historique du livre. Puis en lisant le livre d'Ésaïe, j'ai toujours trouvé ça drôle qu'on avait comme un épisode historique. Mais ce n'est pas juste un épisode historique. Il y a des prophéties particulières dans cette période-là, mais qui ne sont pas données sous forme métaphorique. Qui sont données, il y en a une partie qui est métaphorique, mais la grande majorité, c'est des prophéties directes. Concernant, entre autres, l'attaque la tentative d'invasion de Jérusalem par Sanchérib. Et deux prophéties qu'Ésaïe va prononcer contre ce roi-là à l'intérieur de. Et une des prophéties célèbres, c'est vois-tu cette armée-là, là? Ah, tu ne la verras plus. Et pendant la nuit, l'ange de l'Éternel vient et frappe l'armée d'Assyrie, 185 000 soldats couchés. Ça fait du monde enterré. Je ne sais pas si on est enterré, j'imagine que oui, là, mais. Ça peut donner une idée de comment Dieu authentifie la parole de son prophète, mais ce n'est pas la parole de son prophète, c'est sa parole à lui à travers le prophète. Il donne beaucoup d'autorité au prophète parce que le prophète dit des choses à venir sérieuses. Et ça, nous autres, il faut en tenir compte. Israël n'a pas fait ça. On va regarder rapidement, avant d'embarquer sur la partie fondamentale il me reste encore un peu de temps. Le chapitre 38. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu envoie d'abord Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ésaïe va, il prépare ta maison parce que tu vas mourir. Hein, c'est le fun, avant de mourir, il dit qu'il peut préparer son testament. Puis... Ézéchias pleure. Il se lamente, bien pas se lamente, mais il dit devant Dieu, regarde ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Hein? Tiens compte de ça. Dieu, Ésaïe est en train de sortir du palais. Moi, je suppose que c'est le palais. Puis Dieu leur parle, il dit, va retourner vers Ézéchias. Puis là, Ésaïe va dire à Ézéchias, j'ajoute 15 ans à ta vie. Tu ne mourras pas tout de suite. Vous vous souvenez de ce passage-là? C'est pas la première fois que vous l'avez lu. Ça, c'est le chapitre 38 d'Ésaïe. Donc, des prophéties très à court terme. Puis Dieu va donner un signe à Ézéchias. Hein? Ézéchias demande un signe. Puis Dieu va lui dire que l'ombre va reculer de 10 degrés sur les degrés d'Akaz. Akaz, c'est le roi qui a précédé. Et on imagine que c'est l'ombre, il y aura quelque chose, une ombre du soleil. Ce n'est pas le soleil, mais c'est l'ombre que le soleil a projetée, qui a reculé. Fait que, un phénomène astronomique extraordinaire, identique à ce qui s'est passé du temps de Josué, pratiquement. Quand Josué arrête le soleil, c'est pareil. En ce même temps, le chapitre 39, 8 versets, on va le regarder rapidement celui-là. Ça, c'est le même, en ce même temps, un mois, deux mois, on ne sait pas. Mais ce n'est pas énormément de temps après. Et c'est la dernière datation qu'on a dans le livre d'Ésaïe en termes de distance par rapport à Ozias. Regardez ce qui va se passer dans le chapitre 39. En ce même temps, Mérodac-Baladan, fils de Tralala, roi de Babylone, envoya une lettre et présent à Ézéchias, et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris la maladie et son rétablissement. Et le roi de Babylone, à ce moment-là, c'est un petit roi de lait. Il n'est pas important, ce n'est pas un royaume encore, ce n'est pas un empire. Ézéchias eut de la joie. Extraordinaire, il y a quelqu'un de loin qui sait que j'ai été malade. Il y a eu de la joie. Pas injustifié jusqu'à maintenant. Et il montra aux envoyés le lieu où étaient les choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse et tout son arsenal. Et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Orgueil total, aucune prudence. Plus que ça, Dieu avait déjà prophétisé, on va le voir quand on va étudier le livre en détail, que Babylone serait un instrument de Dieu pour punir Juda. Et Ézéchias ne tient pas compte des paroles antérieures d'Ésaïe. Par ignorance ou par exprès, le texte ne le dit pas. Mais il aurait dû en tenir compte. Et regardez ce qu'il va faire après. Ésaïe va aller le voir. Il va lui poser des questions. C'était qui ces personnes-là? Puis qu'est-ce qu'il leur a dit? Puis il va dire au verset 4, qu'ont-ils vu, etc. Ézéchias répondit, « Ils ont tout vu dans ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien que dans mes trésors que je n'aurais pas fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel désormais. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. » Ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et là, Ézéchias s'est couché à terre, s'est humilié, a dit, Seigneur, j'aurais pas dû faire ça. Ou il a fait comme David, quand Dieu lui a dit qu'il allait susciter un roi, qui allait régner éternellement, un roi qui allait sortir de sa descendance, et qui a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Qui suis-je, moi? Ma maison de mon père, c'est moins que rien, puis tu me fais un honneur épouvantable. Est-ce que Ézéchias a la même attitude? Est-ce que Ézéchias croit vraiment ce qu'Ésaïe lui a dit? Parce qu'Ésaïe est en train de lui dire qu'il va y avoir une destruction totale de la nation ici. Le Juda qui reste, là, il va être déporté. Rappelez-vous, Ézéchias, c'est quelqu'un, quand on va regarder sa vie, qui a fait des grandes réformes. C'est un bon roi. Dieu il a même ajouté 15 ans. Mais le même Ézéchias ne croit pas vraiment ce qu'Ésaïe lui a dit. Hein? Ben, je me serais humilié, moi, c'est mon peuple. Les Juifs, ce sont mes peuples, mes enfants, mes petits-enfants. Imaginez-vous, mes petits-enfants, là, ils vont se retrouver des eunuques dans le palais des rois de Babylone. Belle annonce. Jean-Claude, t'aimerais ça? Pas vraiment. Donc, pas d'humilité, pas de respect de ce que Dieu a dit à travers Ésaïe, ici. Et tout le reste, les 26 derniers chapitres, ne sont pas datés, mais ils sont de cette période-là. Si on revient sur le... Si on vient ici, tous les 26 derniers chapitres ont été donnés ici et concernent, puis on va regarder le premier de ces chapitres-là un petit peu plus en détail là, dans les temps qui vont nous rester. Et là, quand on revient au chapitre 1, quand il dit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, du temps de Ozias, Jotham, Akaz, Ézéchias », c'est comme si Dieu dit à Ésaïe, « Bon, maintenant, tu vas faire une introduction à ton livre. » Et ça donne les grandes lignes dans lesquelles Dieu va traiter tout le sujet du livre d'Ésaïe. On va avancer. Je vous suggère qu'on avance à travers ce plan-là. Ce n'est pas ma décision à moi tout seul, mais je pense que c'est... Dans tous les commentateurs que j'ai regardés, il n'y en a aucun qui fait ça, de regarder le livre du point de vue chronologique. Parce que quand on le cante dans les chronologies, on voit pourquoi Dieu fait telle chose ou dit telle chose. Et ce matin, je vais vous montrer un exemple ici, à travers le chapitre 40. Chapitre 40, rappelez-vous, c'est juste après que Dieu a dit à Ézéchias que la nation allait être déportée à Babylone. T'es d'accord? Alors, jusqu'à date, je n'ai pas dit de rien contraire à ce que tu pensais. Parfait. Prenez vos Bibles maintenant. Chapitre 40, verset 1. Rappelez-vous, on est juste après La remontrance qu'Ésaïe vient de faire à Ézéchias. La remontrance, ça, l'avertissement, la prophétie. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Après ça vient la prophétie sur laquelle Jean-Baptiste s'est appuyé. Ben Jean-Baptiste, Dieu a fondé le ministère de Jean-Baptiste, le prophète, avec le verset qui vient après. Mais avant, Dieu appelle son peuple à la consolation. On va voir que la consolation prend deux formes. Imaginez-vous, là, Ésaïe vient de dire que Juda va être déporté, que la nation va être détruite, et rappelez-vous la prière de Daniel, qui est à Babylone, lui, qui l'a vécu, la déportation. Qu'est-ce qu'il dit? Est-tu heureux de ce que sa ville est détruite, que son pays est détruit? Et il n'y a pas eu encore une déstructuration complète de Juda, dans le sens que d'autres nations sont venues habiter à sa place, comme c'est arrivé pour les 10 tribus du Nord. Dieu a quand même préservé quelque chose par rapport aux 10 tribus du Nord. L'idolâtrie est épouvantable dans le Nord. On a complètement... Et pourtant, Dieu a un reste là-dedans. En Juda, même si Dieu est obligé de punir Juda par une invasion ennemie, le roi de Babylone va venir à 3 reprises, puis la très dernière fois qu'il vient, là, il détruit le temple et la ville, il la rase. Et là, vous venez de jeter à terre la forteresse de Juda. Et évidemment, il déporte du monde à chaque fois, dont Daniel. Puis Daniel, quand il arrive à la fin des 70 années prophétisées par Jérémie, il va dire des choses dans sa prière. Daniel 9. Je ne peux pas lire au complet Daniel 9, mais lisez-le quand vous aurez une chance. Vous allez voir à quel point il y a de la détresse dans le cœur du croyant. Qui est Daniel? Qui est au loin? Et ça, ça doit nous parler à nous. Rappelez-vous le passage qu'on a dans Pierre. Il dit, « Je vous exhorte comme étranger et... » On est voyageur vers quoi? Est-ce que notre cité, c'est maintenant? On regarde à Jérusalem. On regarde au royaume du Messie. Et est-ce qu'on va vivre de la difficulté? Est-ce qu'on a besoin de s'attacher aux promesses de Dieu? Quand Dieu dit « consoler mon peuple », il parle à une génération qui n'existe même pas à ce moment-là. Il parle à la génération qui va vivre la déportation jusqu'au retour final, rétablissement final du royaume d'Israël. On va voir tout à l'heure que c'est déjà contenu dans l'appel d'Ésaïe. Daniel 9, rapidement. Vous savez, Daniel, dans sa prière, il exprime à Dieu que c'est à cause des péchés de son peuple, de sa nation, du mépris que sa nation a eu pour sa parole. Seigneur, selon ta grande miséricorde de cesse, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Est-ce qu'il y a de la peine? Hein? Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ce qui est beau dans la prière de Daniel, c'est que sa priorité, c'est d'abord, Seigneur, ta gloire a été attaquée. Et d'ailleurs, Dieu va répondre à sa prière. La fin des 70 années va avoir lieu. Et Daniel a comme émis une prière au nom de tout le peuple ici. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur sa ville et sur ton peuple. Est-ce que ça fait plaisir d'être déporté? Est-ce que ça fait plaisir de se retrouver étranger et voyageur parmi les nations? C'est exactement ce qui est arrivé à Juda. C'est intéressant. Avant même que l'Église existe, 5 siècles ou 6 siècles plus tard. Israël a vécu, et on parle ici d'un reste fidèle, a vécu quelque chose de similaire à ce que l'Église, les croyants de l'Église vivent dans toutes les nations. Intéressant, hein? À cause du péché d'Israël, et rappelez-vous les passages qu'on a dans Romains, c'est à cause de leur péché que le salut a été donné à toutes les nations, à l'Église, mais l'Église fait partie, ça inclut le reste d'Israël fidèle et ça inclut toutes les nations. Intéressant, hein? Gardez votre main dans Ésaïe 40, on va regarder après ça un autre verset, puis ça va être la fin. Je n'ai pas regardé mes notes, mais il y a des versets que je n'ai pas pu faire avec vous parce que ça aurait été trop long, mais on va regarder dans Ésaïe, lors de l'appel d'Ésaïe. Quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre et à accepter. Vous vous rappelez comment ça se passe? Ésaïe voit une vision céleste de Dieu dans son temple, similaire à celle, et d'ailleurs Dieu se présente comme l'Éternel des armées là-dedans. Hein? Saint, et le Seigneur, des armées. Tu as chanté tout à l'heure, je dois le faire. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur qui disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici. » Ésaïe, c'est pas ce qu'il a fait, là. Il va le vivre. Il a répondu à l'appel de Dieu. C'est bien. Dieu, il ne reproche pas ça du tout, là. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Ce peuple, c'est ton peuple. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas. Point, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Ça veut dire tout simplement que Dieu, la résolution de Dieu pour punir Israël de son idolâtrie est arrêtée. Mais Dieu va quand même l'avertir jusqu'au bout. Ne se convertissent point et ne soient point guéris. Verset 11, je dis jusqu'à quand, Seigneur? Ésaïe, là, il pose une question à Dieu, là. Écoute, il y a toute une mission, là. Il faut qu'il dise à Israël, et d'ailleurs, c'est repris, ce passage-là, dans Romains. Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. » Regardez ce qu'il va dire. « Et s'il reste encore un dixième de ses habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Et là, selon moi, Dieu est en train de dire ici qu'à travers Jésus-Christ, et le reste fidèle, ou les 144 000 marqués par Dieu dans le livre d'Apocalypse, ou mettez ceux que vous voulez, mais vont régner, et c'est le reste fidèle que Dieu a en vue. Mais tous ceux qui vont vivre la destruction, puis moi je crois qu'Israël n'a pas encore vécu un anéantissement total. Dieu ici, il ne laisse pas personne en vie, là. Mais il dit qu'il y a un reste qu'il va conserver. Et que le pays va donner un immense salutaire. Fait qu'Ésaïe, ça va-tu loin? Dans l'appel d'Ésaïe, c'est contenu. C'est pas la seule prophétie qu'Ésaïe fait du temps de la fin. Mais déjà, dans son appel, Dieu lui dit des choses très puissantes. Si on vient au chapitre 40, et là, je vais terminer avec ça, parce que c'est vraiment le thème de notre livre. J'espère que vous ne faites pas peur. Vous ne partirez pas d'ici en disant... Non, le verset, le chapitre 40, c'est « Consoler mon peuple ». Donc, on doit se laisser consoler. Vous êtes d'accord? Parce que c'est pas juste du négatif, là. Il y en a, le peuple qui souffre, là, comme Daniel, pendant la déportation, il y a des consolations dans Ésaïe. Et c'est ça qu'on doit saisir, nous autres. Parce que c'est ça qui va nous faire tenir debout. Et c'est ça qui nous amène à tenir debout. Évidemment, nous, on a Jésus-Christ, on a l'Esprit de Dieu, encore plus, qui n'était pas encore révélé à cette époque-là, là. qui allait être annoncé dans Ésaïe à plusieurs endroits. Là. Une voix, chapitre, au verset 6. Évidemment, je passe par-dessus la voix qui crie dans le désert, qui est Jean-Baptiste, qui annonce le salut. En passant, Jésus-Christ est une consolation intermédiaire. Bon, je parle de la première venue de Jésus, c'est une consolation pour tous ceux qui croient en lui. Vous savez à quel point la nation l'a rejeté. Vous savez à quel point la nation n'a pas cru en son prophète Ésaïe. Ils ne comprennent pas qu'Ésaïe 53, que ça parle de Jésus. Ils ne comprennent pas. Il y a plein de passages qu'ils ne comprennent pas. Mais il y en a un reste. Les apôtres en particulier, d'autres disciples, les 3000 le jour de la Pentecôte, les 2000 après, puis plusieurs, un reste, selon l'élection de la grâce, qui a saisi et qui doit vivre avec la consolation de Jésus. Et nous, on vit avec quoi? La consolation de Jésus. On n'a pas encore hérité de nos promesses. Ça va venir, ça. Oui. Allez, prends ton micro puis fais-le. Dans Ésaïe 46, c'est parce que c'est important de comprendre pourquoi on regarde les prophètes, pourquoi on regarde l'histoire, pourquoi l'Ancien Testament est important. Ésaïe 46, au verset, je vais partir à partir de 9. Bon, ben, 8. Ésaïe 46, 8. Souvenez-vous de cela et montrez-vous courageux, parce qu'il vient de leur annoncer toutes sortes de choses. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez-y. Il parle à son peuple. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloigné de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion, je montrerai toute ma splendeur à Israël. Dieu nous dit d'avance pour que nous sachions, quand ça arrive, qu'il l'avait dit. Parce qu'il y a d'autres promesses qui ne sont pas encore arrivées. Et quand elles vont arriver, ben, on va pouvoir dire qu'il l'avait dit. Dans 1 Corinthiens 10, il dit, et il parle de l'Ancien Testament parce que Dieu ici parle aux Corinthiens, là, mais il leur dit, il résume un peu l'Ancien Testament, et il dit, « Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, faites attention de ne pas tomber. » Juste pour dire que c'est intéressant de lire ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce qui est arrivé à Israël. C'est Dieu qui est souverain. Tout ça est arrivé. Dieu l'avait prévu. Dieu n'est pas surpris. Dieu ne réagit pas à l'humanité. Dieu a le contrôle total. Puis c'est important qu'on le voit, puis qu'on le voit dans ce qui est dit. Puis il y a plein de promesses dans Ésaïe pour nous. Et c'est, je pense, la conclusion de Christian. Et on va conclure avec Ésaïe 40. Pour savoir ce que Jean-Claude vient d'apporter, ça va exactement dans ce que je vais vous laisser. On va partir du verset 6. Une voix crie. Une voix dit « crie ». Et je réponds, et il répond « que crierai-je ? » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et Dieu vient de dire ça tout de suite après avoir parlé de la consolation. Donc, il avertit d'avance à ses fidèles, le reste d'Israël fidèle, de se fier à sa parole. On est exhorté à faire ça. Et nous, on doit en tirer une leçon pour nous, d'application. Arrêtons de chercher de midi à 14 heures partout sur la planète, particulièrement à travers Internet, qui est souvent mensonger terriblement. Très difficile de discerner le vrai à travers Internet. Très difficile. Et je me suis fait attraper, et d'autres d'entre vous allez vous faire attraper. On n'est pas tous le même talent non plus pour faire ça. Cherchez dans la parole de Dieu. Moi et Landry, ça fait 2 mois, là, puis on commence à avoir des bénédictions à travers le livre. Il m'a fallu avoir de la sueur de cerveau, de la sueur de persistance dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui demeure éternellement? C'est la parole de notre Dieu. Les commentaires que je vous ai dit ce matin, ce n'est pas la parole de Dieu. J'espère que je n'ai pas dit, j'espère. J'en ai la conviction pour l'instant que je n'ai pas dit de fausseté. Ça se peut que Dieu me le montre plus tard, que j'ai dit que, hein, à ta place, tu as dit telle affaire, mais regarde, c'est pas quoi ça. Je vais te montrer que c'est quoi la vérité. Ça arrive des fois. Il faut faire amende honorable et dire, écoute, ce que j'ai dit, c'était pas correct. Ça va? Rester attaché à la lecture de la parole, à la méditation de la parole. Je comprends rien dans la parole, ça me prend MacArthur pour le comprendre. MacArthur, c'est un outil quand il est bien utilisé. Mais MacArthur ne vous présentera pas un plan chronologique comme j'ai fait. Le plan de MacArthur, il est différent. Puis ceux qui vont recevoir le commentaire de MacArthur, vous allez le voir. Puis ceux qui ont des bibles avec les commentaires de MacArthur, vous avez déjà ce plan-là. Il ne vous parlera pas de la chronologie comme on le fait ce matin. Mais on passe à côté de bénédiction des fois quand on fait ça. Je n'empêche pas de lire les commentaires de MacArthur. Je crois que c'est quelqu'un qui est relativement fidèle à la parole de Dieu. Mais des fois, quand je lis les références, puis je compare, je me dis, est-ce qu'il a été tiré ça? Mais souvent, il a tiré ça d'un autre commentaire qui n'a pas vérifié. Ça va? Fait qu'on s'engage ensemble à persévérer dans la parole. Puis je crois sincèrement qu'on va être béni. Que Dieu nous bénisse. Ah, il veut dire quelque chose. Vas-y. Il veut avoir le mot de la fin. Ah, c'est jeune. Non, c'est juste pour appuyer tout ce que Christian a dit et ce que Jean-Claude vient de dire. Christian et moi, en fait, c'est vers le règne d'Ézéchias qu'on en a déduit que Ésaïe a écrit ce livre. Et la consolation, c'est pour ceux qui seront dans la déportation à Babylone. Donc, ceux qui seront dans la déportation à Babylone, donc plus tard, liront le livre d'Ézéchias et d'Ésaïe. Et ils verront que dans Ésaïe, Dieu a annoncé des choses qui se sont accomplies. Mais aussi, il a annoncé des choses futures, très loin. Pour d'autres déportés. Futures, très loin. Donc, étant donné que ce que Dieu a annoncé dans ce laps de temps s'est accompli, ça veut dire que ce qu'il a annoncé plus tard va s'accomplir. D'où la consolation. Donc, à s'attacher à ce que Dieu, à la parole de Dieu. C'est ce que je voulais appuyer. Ah, il parle bien, hein? On y va.